Je vous souhaite un très bel après-midi et une très bonne écoute d'Histoire vivante, tout de suite sur La Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. On commence à devenir fou. Je sais pas, on n'a pas d'avenir. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. Oui, une opération suicide sur Paris aurait été envisagée par les pirates de l'air. Ils ont commencé à psalmodier du Coran et ils ont commencé même à préparer une couverture pour éventuellement jeter quelqu'un après l'avoir abattu de l'avion. Et j'étais celui-là. Dernière journée de notre semaine consacrée à l'Algérie de l'après-indépendance. Cette Algérie meurtrie par 10 ans d'une guerre sans nom, d'une guerre non déclarée, dont la population est aujourd'hui la première victime. Nous l'évoquions cette semaine, la radicalisation de l'islam s'est principalement opérée au début des années 90. Après le premier tour des élections, en 92, au cours desquelles le pouvoir militaire revenu au gouvernement confisque la victoire par trop évidente du fils et que la plupart des chefs du front islamique sont arrêtés. Très vite, des éléments vont choisir la solution armée, entrant dans une confrontation permanente et violente avec les forces officielles. Au cœur de cette tourmente, l'affaire de l'Airbus et la prise d'otage entre Alger et Marseille, un des hauts faits du GIA dont nous avons parlé cette semaine, basé sur des archives inédites et des témoignages prenants et surprenants, dont celui d'un des fondateurs du GIA, ce documentaire plonge dans les coulisses de cette célèbre prise d'otage. On suit pas à pas les négociations houleuses entre Paris et Alger, la terreur des passagers ou encore l'improvisation meurtrière des terroristes avec les extraits sonores de leurs tractations. Des images spectaculaires avec en point d'orgue le dénouement final où 10 hommes du GIGN seront blessés lors d'échanges de coups de feu. Dans le même temps, Malik Aitaoudia et Séverine Labatte insistent sur les motivations de ces fous de Dieu et démontrent que 7 ans avant les attentats du 11 septembre, le détournement raté du vol Air France 89-69 préfigurait déjà une nouvelle forme de terrorisme. Aujourd'hui, entretien avec Séverine Labatte. Eh bien, je m'appelle Séverine Labatte. Je suis co-auteure avec Malik Aitaoudia d'un documentaire sur le détournement de l'Airbus d'Air France par le GIA, le groupe islamique armé algérien, en décembre 1994, année charnière dans le conflit qui oppose les groupes islamistes armés au régime algérien, dans la mesure où la crise algérienne s'internationalise à travers, dans un premier temps, l'assassinat de ressortissants étrangers, et puis surtout à travers donc cet événement majeur de la crise algérienne, qu'est ce détournement. Un commando s'empare d'un Airbus de la compagnie Air France, avec pour objectif, en réalité, on l'apprendra plus tard, de se cracher sur Paris. Extrait de Air France 89-69 de Séverine Labatte. Il demande au commandant de décoller, de partir. Seulement, il y a cette fameuse passerelle qui est devant l'aile. Et ce que ne savent pas les terroristes, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière sur un avion. Donc, on ne peut pas se dégager. Il faut que le sol enlève cette passerelle pour que l'on puisse décoller. Cette passerelle devient obsédante puisqu'elle est là, qu'elle nous bloque. Donc toutes les négociations qui vont être faites avec la tour seront autour de cette passerelle déjà dans un premier temps. Enlever la passerelle pour qu'on puisse partir. Après, il y aura d'autres négociations improvisées par le commando. Ils vont demander des libérations, mais la première chose, c'est enlever la passerelle. Les quatre terroristes sont donc pris à leur propre piège. La première phase du détournement est un échec, l'avion ne peut pas décoller, une autre histoire commence. Séverine Labatte. Donc l'avion se retrouve bloqué sur le tarmac, et à ce moment-là, les plans de ce commando sont totalement remis en question, puisqu'on ne peut pas décoller tout de suite et aller se crasher à Paris. Donc il faut qu'on essaie de se sortir de la crise. Et c'est ce qu'on raconte, c'est-à-dire comment finalement se noue une nouvelle crise à l'intérieur de cet appareil, où là, effectivement, des demandes de libération vont être adressées au gouvernement algérien et au gouvernement français. Demandes totalement irréalistes parce qu'elles concernent des gens qui sont prisonniers à l'étranger, et notamment des gens qui sont impliqués dans le premier attentat contre le World Trade Center en 93. Donc demandes totalement irréalistes. Et puis va se nouer dans le même moment une crise franco-algérienne, puisque les Français veulent dénouer cette crise sur leur territoire, ne font pas confiance au gouvernement algérien pour le faire. Au départ, ils refusent. Un ressortissant vietnamien et un ressortissant algérien sont exécutés. Ils refusent à la France que l'avion décolle au nom de la souveraineté nationale algérienne. Et évidemment, cette position n'est plus tenable dès lors qu'un ressortissant français est assassiné. Et donc, le lendemain de la prise d'otage, à 21h, le jeune cuisinier de 21 ans est assassiné. Et là, Édouard Balladur, alors Premier ministre, téléphone au président algérien Zeroual. C'était sur moi que reposait la responsabilité finale. J'ai écouté tout le monde, bien entendu, et puis j'ai pris ma décision. Première décision, demander aux Algériens l'autorisation que les services français interviennent. Et dans ce but, ils avaient été acheminés dans une position intermédiaire en Méditerranée. C'est le GIGN qui est chargé de cette mission. Comme tous les membres de ce corps d'élite, Denis Favier, son commandant de l'époque, ne peut montrer son visage. Le premier signal qui consiste à dire que le pays prend en compte cette difficulté-là, c'est de prépositionner le GIGN sur une île espagnole de Méditerranée, à Majorque. C'est une réponse, c'est un signal qui consiste à dire qu'on a pris en compte le dossier. Et le GIGN se prépositionne là au cas où il faudrait s'engager en Algérie. Les autorités algériennes s'y sont refusées. Au nom de la souveraineté de l'Algérie. Très bien. Alors à partir de là, il n'y avait qu'une solution, c'est de ramener l'avion en France. Saloua, Saïdi ya Saïdi. Saloua est une femme algérienne rebelle et émancipée qui s'attira beaucoup d'ennuis en refusant de porter le voile islamique. Yeah. écoutez Histoire vivante. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. La thèse du film de Malika Itaoudia et Séverine Labat est que la prise d'otages effectuée en 1994 par le commando du GIA préfigure les détournements d'avions qui ont abouti aux attentats du 11 septembre 2001 sur New York. Et pourtant, il semble bien que la leçon n'ait pas été véritablement retenue par les divers gouvernements. On retrouve Séverine Labat. Ça n'a pas servi d'avertissement, effectivement, pour nous. En revanche, ça a servi de leçon de l'autre côté pour les islamistes. Tous les passagers que nous avons interviewés ont été unanimes pour dire que, dès le départ, les preneurs d'otages ont indiqué clairement que leur objectif était de cracher cet avion. Alors, il est vrai qu'ils s'adressaient souvent en arabe aux ressortissants algériens ou binationaux à l'intérieur de l'avion sur ce thème, et qu'à l'égard de l'équipage d'Air France, avec lequel ils parlaient en français, ils parlaient un petit peu moins de ça parce qu'ils avaient besoin de leur coopération pour qu'à l'intérieur de l'appareil, les choses se passent pas trop mal et que les passagers se tiennent tranquilles. Mais dès le départ, ils veulent se cracher sur Paris. Simplement, leurs plans sont mis à mal par cette passerelle et par la crise franco-algérienne. Dès qu'ils arrivent à Marignane, Édouard Balladur sait qu'il y a une menace de crash sur Paris. Il impose, en menant un petit peu en bateau le commando, il leur dit qu'il n'y a pas assez de carburant et il les fait atterrir à Marignane. Et à Marignane, le commando n'a qu'une revendication, il n'est plus jamais question de libération de leaders islamistes, n'a qu'une revendication, c'est d'avoir 27 tonnes de kérosène à bord et de repartir pour Paris. Extrait de vol Air France 8969 de Séverine Labat. Étant donné la crainte que l'avion ne se crache sur Paris, il est hors de question pour le préfet d'accéder à cette demande. Il va donc gagner du temps. Qu'il n'y ait pas de kérosène à Marignane, soir de Noël, bon, nous, ça nous fait un petit peu rigoler parce que on sait très bien que c'est faux. Puis après, la grève des essenciers, enfin bon, il se passe rien, on nous fait lanterner, on nous mène en bateau. Tu m'entends, monsieur le préfet? Oui, je vous écoute. Vous avez une heure et demie pour le décollage à Paris. Il est 8h10. Jusqu'à 9h40. Si le départ en temps, nous avons des choses à faire. Hein. C'est-à-dire tuer de nouveaux otages. À Paris, la cellule de crise se réunit. Nous avons fait le point sur la situation et aux environs de 9h du matin, j'ai donné l'ordre de l'assaut. On a des limites qui sont posées par le comportement des terroristes. En d'autres termes, si les terroristes tuent sur le territoire français, on ne peut pas rester sans réponse. Donc là, il y aurait eu intervention. Si le terroriste force le passage sur la piste pour redécoller, on ne peut pas non plus rester inactif. Nous revenons à Séverine Labat. Alors on ne retient pas effectivement parce que ça a été une crise franco-algérienne avant tout. Et donc on essaye d'oublier un petit peu cet incident. Enfin, on essaye d'oublier. Toutes les compagnies aériennes occidentales suspendent quand même leurs liaisons aériennes avec l'Algérie. Et c'est encore vrai au jour d'aujourd'hui. L'Algérie se retrouve totalement isolée. Mais l'événement est commenté dans toute la presse islamiste internationale. On raconte même, on invente des légendes à leur propos. On raconte qu'ils ont tué 60 otages, qu'ils ont livré une bataille héroïque contre le GIGN. On a en exclusivité un poème que Jamel Zitouni, le chef des GIA, leur adresse en expliquant qu'ils ont été les premiers à montrer la voie du djihad sacré en mourant en martyr de la sorte. Et donc, on voit bien que dans tout l'épisode que nous racontons avec Malika Itaoudia, que finalement, là où le bas blesse de leur point de vue, c'est qu'ils ne savent pas piloter un avion. Et ce que dit très bien d'ailleurs un des passagers dans le film, c'est qu'en décembre 94, leur destin était entre les mains d'un pilote d'Air France. On sait parfaitement que tout pilote d'une compagnie aérienne est formé à ce que dans ce cas de figure, il préférait aller de toutes les manières, sachant qu'il va mourir, se cracher n'importe où, où il fera le moins de victimes possible, plutôt que de se cracher sur une cible déterminée par un commando terroriste. Donc il est impossible de faire, en 94, de faire se cracher le pilote contre une cible qu'on aurait déterminée. Sept ans plus tard, la leçon a été retenue. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on voit que Al-Qaïda a formé des pilotes, d'ailleurs sur la tranche très très précise qui consiste à faire tourner un avion et à le faire aller vers une cible et pas du tout atterrir ni décoller, ils s'en fichent complètement. Et donc en fait on peut considérer que cet épisode de décembre 94 a été comme une sorte de répétition générale de septembre 2001, que c'est la première fois qu'un attentat terroriste avec une bombe volante aurait pu avoir lieu. Il n'a pas eu lieu pour des raisons qui tiennent donc à cette inexpérimentation aéronautique, inexpérimentation qui a donc été corrigée en septembre 2001, puisque on sait que au moins ceux qui se sont crachés sur les deux tours du World Trade Center et sur le Pentagone, et puis ceux qui voulaient se cracher sur le Capitole, savaient piloter et donc pouvaient tout à fait se passer des commandants de bord qui l'ont exécuté tout de suite avant de prendre le contrôle des appareils. Quand j'ai vu les avions se cracher sur les tours jumelles de New York, j'ai continué, intérieurement, dans ma tête, le voyage vers l'enfer. J'ai tout de suite pensé à la prise d'otage de décembre 94. J'ai dit, voilà, on allait mourir de la même façon. C'est ce qu'ils voulaient faire de nous, faire exploser l'avion en plein Paris. Voilà, ça aurait peut-être dû sonner un peu, donner un peu l'alerte sur la possibilité d'opérations de ce genre. Mais vous savez, c'est toujours la même chose dans les affaires humaines. Quand il y a un danger, on prend toutes les mesures. Et puis bon, une fois le danger passé ou qu'on croit passé, on commence à laisser aller les choses pour que la vie redevienne normale. Et c'est à ce moment-là que ça risque de recommencer. En 1994, leur sort était entre les mains d'un commandant de bord. Le 11 septembre dernier, ils avaient leur sort entre leurs mains. Ils en ont fait ce qui était logique de faire de leur point de vue. C'est dans un faubourg d'Oran que Hadj Brahim Khaled pousse ses premiers cris en 1960. Tout gamin, ce fils de policier se passionne déjà pour la musique en clamant son admiration pour Elvis Presley et Johnny Hallyday, mais aussi pour la musique égyptienne d'Oum Kalsoum ou le reggae de Bob Marley. Il apprend le chant et l'accordéon et débute selon la tradition en jouant pour les cérémonies de circoncision et les mariages. Cheb Khaled devient une vedette en Algérie sans jamais passer à la radio. Le raï chante les filles et l'alcool, et il est interdit d'antenne. En 1985, c'est le premier concert public de Cheb Khaled, et également celle de son premier disque, Kouché, qui est le premier véritable album de raï, conçu avec son compatriote Safi Boutella. Cette semaine, l'intégrisme en Algérie. Du lendemain de l'indépendance aux otages de Marseille, une guerre non déclarée. Irène Chaland, de la télévision suisse romande, responsable de l'achat des documentaires. Les signaux d'alarme étaient tirés depuis des années, depuis plus de 10 ans, même avant cet événement, dans des congrès de spécialistes qui disaient « Attention, le problème de l'intégrisme islamisme est là ». Chaque pays a voulu traiter ça au cas par cas, en fonction, je pense par exemple à la France en l'occurrence par rapport à l'Algérie. Une fois que le problème du GIA semblait être plus ou moins sous contrôle, la France semblait s'être débarrassée de ce problème. Et le manque de concertation internationale pour prendre au sérieux ce problème, que ce soit d'Allemagne, que ce soit d'Italie, est effectivement flagrant. Et je crois que ce documentaire nous permet d'avoir ce regard et de comprendre le manque de concentration, de concertation politique internationale ces 10 dernières années pour essayer d'enrayer ce problème. Nous retrouvons Séverine Labatte. Oui, Claude Berthaud, donc Claude Zeller. Bon, il faut rappeler qu'en septembre 2001, les commandos terroristes ont tué à coups de cutter les hôtesses et les pilotes. Donc on voit quelle est l'importance des stewards ou des hôtesses de l'air en cas de détournement. Et Claude Berthaud est très impressionnante de maîtrise et de sang-froid dans la mesure où elle sait très bien que surtout le sort des passagers dont elle a la responsabilité dépend de l'état psychologique du commando, et c'est qu'au moindre énervement, elle en a eu la preuve par 3 fois, puisque par 3 fois, ils ont exécuté froidement des passagers. Elle sait que une saute d'humeur peut provoquer un drame. Donc, elle va jusqu'à parfois même mettre en garde les membres du commando contre la possibilité d'un tir des ninjas algériens qui sont postés sur le tarmac. À un moment donné, elle dit « Attention, pousse-toi, t'es dans la ligne de mire d'un soldat algérien ». Alors, on pourrait penser qu'elle est qu'elle a viré de bord quasiment. En réalité, elle sait que si jamais un membre du commando se fait tuer, on sait la réaction du reste du commando, ça peut être de tirer dans le tas à l'intérieur de l'avion. Extrait de vol Air France 8969 de Séverine Labatte. On en arrive à faire des choses absolument incroyables quand on remet l'avion tout propre, qu'on commande des aspirateurs, que les passagers font le ménage. Elle a nettoyé et lui, il a mis le désodorisant. Il a dit, oh, comme ça va sentir bon et tout. Moi, j'aime la propreté, même le bon Dieu aime la propreté. C'est tout à fait inconcevable de vu de l'extérieur, quoi. Même après, je me dis, c'est un peu étrange qu'on ait réussi à plaisanter, à rire, à avoir des fous rires comme on a pu en avoir, alors que c'était une situation qui était fondamentalement dramatique. Et elle explique elle-même qu'effectivement, elle éprouve à un moment donné une certaine sympathie pour ces jeunes garçons qui ont dans les 22, 23, 24, 26 ans. Et puis en même temps que le syndrome de Stockholm, il va aussi à l'inverse. C'est-à-dire que les preneurs d'otages, au bout de plusieurs heures, voire plusieurs jours, commencent eux-mêmes à éprouver une certaine sympathie, se mettent un petit peu à plaisanter, à être un peu plus ouvert à l'égard des passagers, à être même prévenant à l'égard des passagers, notamment les plus âgés, les femmes. Et d'ailleurs, elle dit à un moment donné que il devient difficile pour les preneurs d'otages de faire respecter cette espèce d'ordre terrible qu'ils avaient imposé, parce que ces relations se sont tissées. Donc on est dans une espèce de tragédie antique où des sentiments très très différents se mêlent, et où on voit que Claude Berthaud d'ailleurs regrette que... Enfin, on sent qu'elle regrette que le commando ait été tué lors de l'intervention, parce que elle aurait aimé savoir ce qu'ils avaient en réalité dans la tête, parce que finalement, et pour le commando et pour les otages, l'ennemi devient tout ce qui était à l'extérieur. À l'intérieur, on se connaît, même si des menaces ont été proférées ou même ont été mises à exécution, on se connaît, on sait, on a quatre individus face à soi, on finit par un petit peu savoir qui on a en face de soi. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'armée algérienne va lancer l'assaut? Est-ce qu'on va y survivre? Est-ce que le GIGN va lancer l'assaut? Il raconte à Marignane, quand le GIGN lance l'assaut, que c'est sans doute l'événement le plus violent de toute cette histoire. Le bruit, l'odeur, les balles traçantes, les espèces de lasers rouges, comme ça, tout d'un coup, c'est une espèce de vision apocalyptique. Et finalement, c'est pour tout le monde l'événement le plus brutal de toute cette histoire. C'est cette intervention libératrice. Et donc, ça n'est pas le seul paradoxe de cette histoire, mais ça s'en est un assez fort, et que Claude Berthaud, cette hôtesse de l'air, retrace très très bien. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Marie-Françoise Gay et Karine Vouyamo. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. Bon week-end et à lundi pour une nouvelle série d'Histoires vivantes. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.